Les podcasts du Collège de France, Histoire. Il y a autant de monde, on va voir si ça va rester comme ça dans la suite. Ce que je vous propose pendant ce premier cours, c'est une introduction à la figure d'Abraham, à son histoire, à la Genèse. Donc les chapitres 12 à 25 de la Genèse, plus concrètement 11-27 à 25-11. Alors, je vois que vous prenez des notes, ça c'est une bonne chose. J'aimerais juste vous dire quelque chose pour faciliter la vie. Comme vous voyez, j'utilise le PowerPoint. Tous les diapos, les slides, comme on dit, du PowerPoint, seraient mis à disposition que vous pouvez donc le télécharger. Donc, parfois, il y a beaucoup de petits détails. Parfois, vous avez des diapos qui vont vous faire peur, tellement il y a des choses. Donc, il ne faut pas essayer d'écrire tout ça. Vous pouvez après, tout simplement, aller sur le site du Collège de France, cher milieu biblique, et vous trouvez toutes les informations. Vous y trouverez également une bibliographie générale pour ceux qui veulent aller plus dans les détails sur Abraham. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les textes, je vous donnerai des bibliographies plus spécifiques. Ça ne veut pas dire que vous devez lire tout cela pour suivre le cours. Cependant, pour ceux qui veulent quelques informations supplémentaires, c'est très bien. Évidemment, je ne sais pas du tout quel est votre niveau de connaissance par rapport à Abraham. Il y a certainement des gens qui sont des hébraïsants confirmés, il y a d'autres qui le sont moins. Donc on va essayer un peu de naviguer à plusieurs niveaux et j'espère que ça se passera au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais évitons qu'on fasse comme ça des dialogues au détriment des autres. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous voulez une explication, je suis tout à fait prêt à prendre aussi des questions. Je vous mettrai aussi à disposition la semaine prochaine le plan tel que je le conçois pour ce premier cours. Je ne suis pas sûr que j'arriverai au bout de cette histoire d'Abraham parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas non plus d'idée tout à fait arrêtée sur tous les textes. Donc, je suis vraiment un peu la devise du collège, c'est-à-dire je vais travailler avec vous ces textes et puis on va voir ce qu'on peut trouver. Peut-être des textes qui vont nous arrêter plus longtemps que d'autres. Et puis, en fonction de cela, on verra s'il y aura un Abraham bis ou non l'année prochaine. Mais ce ne sera pas toujours Abraham. Mais je pense que c'est bien quand même de commencer avec Abraham pour toutes sortes de raisons. D'abord, il est clair que c'est, en effet, quand vous comparez Abraham avec Moïse ou Jacob, il y a une différence de taille. C'est-à-dire, le christianisme et l'islam se réfèrent tout autant à Abraham que le judaïsme, ce qui est moins le cas pour Moïse ou pour Jacob. Jacob, c'est vraiment le fondateur généalogique d'Israël, mais il joue moins de rôle dans le christianisme et dans l'islam. Idem pour Moïse, ou Moïse dont le christianisme, c'est souvent par opposition, alors qu'Abraham, il est revendiqué par les trois religions. Maintenant, si vous regardez dans la Bible, ah oui, ça c'est encore une chose que j'aimerais vous dire, il serait utile, si vous en avez une Bible, et s'il n'est pas trop lourde, vous la portez. Comme ça, on suit parfois mieux, donc je vous mettrai les textes, mais ça peut quand même faciliter un peu les choses. Donc, dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, en dehors du Pentateuque, en fait, Abraham est très très peu mentionné. Et ça change quand vous passez à des écrits aux alentours de l'ère chrétienne où Abraham devient le héros d'un certain nombre de textes. Vous connaissez peut-être le Testament d'Abraham ou l'Apocalypse d'Abraham des premiers siècles de l'ère chrétienne. Et aussi dans le livre de Jubilé, Abraham joue un rôle tout à fait important. Dans le Nouveau Testament également, Abraham est mentionné presque aussi souvent que Moïse, 75 fois contre Moïse à 80. Et dans le Nouveau Testament, Abraham devient surtout, dans les épîtres pauliniens, un père très différent du judaïsme. Dans le judaïsme, Abraham, c'est un père généalogique, c'est-à-dire c'est avec Abraham que commence la grande généalogie qui va déboucher sur Jacob et les 12 tribus. Alors que Paul va utiliser une autre filiation d'Abraham, où il va en effet critiquer d'une certaine manière la filiation généalogique pour poser Abraham comme étant le père dans la foi. C'est une toute autre conception de la paternité que la Bible hébraïque va développer. Et puis, Luther, évidemment, va suivre Paul dans cette histoire, mais ça, ce n'est pas notre sujet. Mais il y a des polémiques dans le Nouveau Testament. Connaissez peut-être cela dans les synoptiques, lorsque Jean-Baptiste dit à ses adversaires « N'allez pas vous dire que nous avons Abraham pour père, car de ces pierres que voici, Dieu peut se susciter une descendance, des enfants. » Donc là, il y a déjà, vous voyez, un problème par rapport à cette conception généalogique. Et puis le Coran. Le Coran, ben vous le savez aussi, le Coran a repris un certain nombre de traditions bibliques et aussi extra-bibliques sur Abraham, qui devient, dans le Coran, le premier soumis, le premier musulman. Il est donc l'ami de Dieu, un titre qu'on trouve déjà dans la Bible hébraïque, repris dans le Coran, et qui devient donc le juste exemplaire. Mais alors, pourquoi Abraham est-il devenu l'ancêtre par excellence sur lequel peuvent se fonder les trois religions? Quelle est la spécificité de cette histoire d'Abraham? Je pense que cette spécificité, vous allez déjà la trouver dans les récits du livre de la Genèse. C'est ce récit que j'aimerais explorer avec vous. Parce que vous allez voir que dans ces récits, Abraham apparaît d'emblée comme une figure œcuménique, pour utiliser un terme un peu anachronique, pour une figure qui ne dit pas l'identité par l'exclusion ou la confrontation, mais qui va dire l'identité à partir, en effet, de toutes sortes de négociations, de conclusions d'alliances, de traités, etc. En même temps, évidemment, si vous regardez le texte, et ça on va le faire tout de suite, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule figure d'Abraham, il y a des Abrahams assez divergentes à l'intérieur de la même histoire, et c'est cette divergence-là qui fait en effet que les différentes sensibilités juives, chrétiens, musulmans peuvent se revendiquer d'Abraham, et même à l'intérieur de ces religions, on peut avoir des utilisations bien diverses d'Abraham. Alors, ce que je vous propose maintenant dans un premier temps, c'est... Alors, vous n'allez pas voir grand-chose là. Ne vous inquiétez pas, on a des feuilles à vous distribuer. Ça, c'est toujours important. On a des feuilles à vous distribuer. Et c'est simplement un rappel pour ceux qui n'ont pas tout à fait en tête de l'histoire d'Abraham. Donc les feuilles vont suivre, éventuellement partager si on n'a pas, il y en a assez. Bon. Alors, comme je vous disais déjà au début, l'histoire d'Abraham, grosso modo, commence à la fin du chapitre 11 du livre de la Genèse, avec la généalogie ou à l'intérieur de la généalogie de Sem qui débouche sur Terach, qui lui est donc le père d'Abraham. Et elle se termine soit avec la mort d'Abraham au milieu du chapitre 25 ou éventuellement avec l'histoire des descendants, d'une des descendants d'Abraham ou des deux, d'Ismaël et puis Isaac dans la suite. Mais nous allons nous arrêter donc au verset 11 du chapitre 25. Bien, alors, on ne peut pas raconter tout en détail, d'ailleurs nous aurons le temps de reprendre tous ces textes. Simplement, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est quand on essaie un peu de structurer cette histoire, je vous montrerai quelques tentatives tout à l'heure, on peut d'abord voir qu'il y a un encadrement très clair, ça commence, c'est pas très originel, allez-vous me dire, ça commence avec la naissance d'Abraham, à la fin du chapitre 11, et puis ça se termine avec sa mort. Ça, c'est un premier encadrement. Il y a dans ce début quelque chose qui pose problème tout de suite. Parce qu'au début, vous avez quoi ? Au début, vous avez une généalogie. Et quelle est la fonction des généalogies ? La fonction des généalogies, c'est de montrer la succession des générations. Et là, si vous lisez le chapitre 11, quand vous arrivez à Abraham, on va lui dire bah, sa femme s'appelait Sarai. En fait, Abraham s'appelle Abraham, pas encore Abraham. Sa femme s'appelle Sarai. Or, Sarai était stérile. Ça, c'est bizarre à l'intérieur d'une généalogie, n'est-ce pas ? Parce que, oui, bah, ça veut dire que l'histoire s'arrête. Et voyez d'emblée, un des enjeux, c'est comment on va raconter les toldot, non pas, donc les généalogies, les descendants, non pas d'Abraham, parce que c'est toujours la généalogie du père, donc les toldot terach, dont on va parler bientôt, comment on va les raconter si la femme de son fils est stérile. Ça va être un des enjeux. Ensuite, il y a un deuxième encadrement qui est lié à cette figure d'Abraham, le croyant exemplaire. C'est ce qu'on appelle la vocation d'Abraham au chapitre 12, où Abraham, lorsque sa famille est installée à Haran, va recevoir cet appel de Dieu, va, quitte ton pays vers, et ta parenté, vers le pays que je te ferai voir. Et Abraham, il fait quoi ? Il obéit sans poser aucune question. Et cela, évidemment, ça nous allons aussi le voir en détail, cela, évidemment, a un texte correspondant vers la fin de l'histoire d'Abraham, au chapitre 22, ce qu'on appelle le sacrifice ou l'Akeda, le sacrifice d'Abraham, où Dieu, grammaticalement, de la même manière, lui dit « Va vers le pays que je te ferai voir ». Donc les deux font un encadrement, et de nouveau, dans les deux, comme dans chapitre 12, dans les deux cas, Abraham, il part, et il ne pose aucune question, on ne sait pas ce qu'il pense, on n'a aucune idée de ses états d'âme, bien que le commentateur cherche toujours à les savoir, là, on n'a aucune idée. Donc, deuxième encadrement, entre 12 et 22. À l'intérieur de cela, nous avons un certain nombre de récits qui sont de nouveau liés entre eux. Par exemple, dès qu'Abraham est arrivé en Palestine, en Canaan, il va partir en Égypte. Et sa femme va être prise dans le harem, il va la vendre en fait, sa femme va être prise dans le harem du pharaon. Bon, alors ça pose aussi un problème par rapport à la descendance que Dieu lui a promis. Est-ce que le fils promis viendra via le pharaon ? Ben, on ne sait pas. Ça d'ailleurs, dans la Bible, c'est souvent un problème. Comme d'ailleurs aujourd'hui, on sait toujours qui est la mère, mais pour le père, c'est toujours plus compliqué. Et c'est exactement aussi ce qui se passe dans de nombreux récits bibliques. Donc il y a déjà une première question. Et ce qui se passe en Égypte, c'est justement une sorte d'exode à l'envers, c'est-à-dire Abraham descend et le pharaon, contrairement au pharaon de l'exode, il le renvoie, il le laisse partir aussitôt avec des richesses parmi lesquelles des esclaves, des serviteurs et des servantes, ce qui prépare évidemment, non pas tout de suite la suite, mais l'histoire avec Hagar. Parce que Hagar, évidemment, au chapitre 16, elle est présentée comme étant une esclave égyptienne. Donc de 12, on peut aller directement à 16, on y reviendra. 13 va ouvrir un autre thème qui est la relation compliquée entre Abraham et Lot, qui va pas justement provoquer des guerres, souvent des conflits territoriaux, qu'on provoque des guerres. Ici, pas du tout, c'est Abraham qui va être un négociateur, qui dit « tu vas où tu veux, moi je m'installe ailleurs ». Et évidemment, Lot va choisir ce qu'il trouve le plus intéressant, la région de Sodome et Gomorre, qui évidemment ne ressemble pas encore à ce qu'après on imagine, ce qu'est Sodome et Gomorre, va s'y installer. Et ça, évidemment, ça va préparer ce que vous trouvez dans les chapitres 18-19. Donc il y a des interruptions, on lance un certain nombre de thèmes qui sont repris plus tard. Avant, alors que en Genèse 13, Abraham, c'était un négociateur, maintenant, en 14, il devient guerrier. Il est impliqué dans une sorte de guerre mondiale. Ça, c'est un chapitre où je n'ai vraiment aucune idée. J'espère que vous pouvez m'aider à en trouver quelques-uns. Donc ça, c'est un chapitre où je dois travailler beaucoup. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est le lien avec 13 est fait par la figure de Lot, qui, lui, en fait, est un des otages que Abraham va libérer. Et tout cela débouche sur une rencontre mystérieuse à Shalem, peut-être, ou sans doute Jérusalem, avec un roi qui est prêtre, Melchisédek, qui jouera un rôle très important. Ensuite, il y a une histoire d'alliance au chapitre 15. Là aussi, c'est quelque chose de curieux, parce qu'il y a deux alliances. Il y a une première en 15, où Abraham, justement, se plaint d'être son descendant. Dieu lui réaffirme qu'il aura une grande descendance et qu'il possédera également le pays. Il, d'ailleurs, donne des informations sur toute l'histoire du Pentateuque. Et Abraham, donc, croit à cette parole. Et puis, ça c'est un texte qui joue un grand rôle dans le Nouveau Testament, il lui compte à cela comme justice, seulement on ne sait pas qui compte quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est Abraham qui est le sujet ou Yahvé ? On y reviendra quand on parlera de ce texte. Quand on vient de ce texte-là, on est un peu étonné de lire l'histoire suivante. Parce que Sarah est toujours stérile, maintenant prend l'initiative. N'est-ce pas ? Donc ça, c'est le lien avec le chapitre 12, parce qu'elle va proposer en fait à Abraham de coucher avec sa servante Hagar, qui apparemment est venue d'Égypte. Mais il n'y a aucun. Abraham ne dit pas qu'il a justement une promesse de Dieu, non. Donc là, en fait, c'est l'idée que Hagar elle-même, ou disons Sarah plutôt, va réaliser ou va essayer de dépasser sa stérilité par une sorte de mère porteuse. Ce qui mène évidemment à la naissance du premier fils d'Abraham, Ismaël, qui lui aussi, on va voir ça en détail, qui lui aussi bénéficiera d'une grande promesse et dont le nom Ismaël va être expliqué en y mettant Yahvé. Tu l'appelleras Ismaël parce que Yahvé a entendu ta misère. Donc Ismaël est aussi, ou fait partie de la famille de Yahvé. La question, est-ce que c'est par lui que l'histoire d'Abraham va continuer ? Deuxième alliance, au chapitre 17, où Dieu de nouveau promet une descendance et qui est liée au changement de nom, donc Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, on y reviendra, et Abraham présente en effet son fils, Shonéa, mais c'est apparemment pas encore celui-ci qui est promis, donc annonce de la naissance du fils avec lequel la lignée doit continuer. Rire d'Abraham, on pense toujours au rire de Sarai, mais il y a déjà un rire d'Abraham au chapitre précédent. Et circoncision comme étant le signe de l'alliance. Et les deux sont circoncis, et Ismaël et Isaac plus tard lorsqu'il naîtra. Donc là, de nouveau, si vous passez de 17 à 18, nous vous êtes un peu étonnés parce que tout a été déjà dit. Pourquoi en 18 on doit réitérer la promesse du fils ? Parce que ça, c'est l'histoire des trois visiteurs qui, suite à l'hospitalité exemplaire d'Abraham, vont promettre un fils. Et maintenant, ça va provoquer non pas le rire d'Abraham, mais le rire de Sarai. Donc là aussi, vous avez des récits un peu parallèles ou qui disent les choses un peu différentes. Et cela, évidemment, va introduire la suite de ce qui était annoncé en Genèse 13, l'histoire d'Abraham et Lot. Puisque maintenant, dans le chapitre 19, Lot va être aussi exemplaire au niveau de son hospitalité que Abraham, mais les habitants de la ville, justement, ne respectent pas cette hospitalité, d'où la destruction de la ville. Et à la suite de cela, Lot devient également un ancêtre, quoique d'une manière un peu, comment dire, burlesque. Ça, c'est quelque chose qui se voit censuré dans les résumés. Donc, il va coucher avec ses deux filles et deviendra l'ancêtre des Moabites et des Ammonites. Et finalement, on reprend un thème qu'on connaît déjà, Abraham qui laisse sa femme chez le roi étranger, maintenant pas chez le pharaon, mais chez un philistin. Et là, de nouveau, le roi se comporte de manière exemplaire, puisqu'il est averti par Dieu dans un songe. Et de nouveau, juste avant que Isaac va naître, le petit doute qui est le père d'Isaac, qui peut se poser et souligner d'une manière, et en même temps, on va dire, voilà, Yahvé avait rendu stérile tout le pays. Est-ce que ça s'applique au roi ? On peut se poser la question. Après, Isaac est né, et on pourrait se dire, voilà, l'histoire arrive à une conclusion. Hein, parce que c'était la quête de la descendance, et finalement, cette descendance, elle se met en place, et elle est aussitôt mise en question par ce chapitre que vous connaissez tous, demande de Dieu à Abraham de sacrifier son fils qu'il vient d'avoir. Et cela, évidemment, nous l'avons vu, renvoie au tout le début, où Abraham devient en effet le croyant exemplaire qui exécute les ordres divins sans poser aucune question et qui ensuite, justement, est récompensé à la manière suivante. Donc, Isaac n'est pas sacrifié, le sacrifice humain est remplacé par un sacrifice animalier. Et à partir de ce moment, en fait, on prépare la mort. On prépare la mort de la génération d'Abraham, avec la mort de Sarah, avec l'achat d'un tombeau à Hébron, avec la quête d'une femme pour Isaac, et finalement avec la mort d'Abraham, pour l'enterrement duquel vont se rassembler Isaac et Ismaël pour enterrer leur père ensemble. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur cette histoire d'Abraham au niveau du contenu. Évidemment, j'ai laissé des choses à côté, donc le mieux, évidemment, c'est que vous lisez cela chez vous tranquillement pour avoir un peu les différentes histoires en tête. Dans le cours, on ne va pas forcément suivre chapitre par chapitre, j'essaierai de faire quelques regroupements un peu thématiques qui permettront un peu plus facilement de voir un certain nombre de choses. Donc, vous avez vu que c'est une histoire assez complexe. Bon, elle tourne autour de la descendance, mais il y a aussi la question des rapports avec les autres. Il y a la question d'Ismaël. Il y a la question de la relation avec Lot. Il y a des questions de territoire. Il y a la question du rapport à la ville. Donc, il y a beaucoup de choses. Et les exégètes ont souvent essayé de mettre un peu de l'ordre dans cette histoire d'Abraham. Par exemple, j'ai ici une structure de l'histoire d'Abraham, donc tout cela, vous l'aurez dans vos documents, selon un auteur qui s'appelle Fogels, qui lui pense en fait qu'on peut structurer toute l'histoire d'Abraham autour des thèmes qui sont importants, sur lesquels je reviendrai, pays, bénédiction, descendance. Mais si vous regardez cela un peu en détail, vous rendez compte que c'est un tout petit peu... C'est intéressant, mais en même temps, c'est un tout petit peu forcé quand même, puisque je ne suis pas sûr que les chapitres 24 et 25 font l'encadrement avec 12. On avait plutôt vu que 12 à 9, donc la vocation d'Abraham, qu'on voit à Genèse 22. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est un peu trop abstrait, n'est-ce pas ? Ça, c'est un peu un problème... Je dirais des commentateurs modernes. Est-ce que les auteurs anciens, les rédacteurs anciens qui nous transmettent ces textes, est-ce qu'ils ont vraiment un plan dans la tête ? Je ne crois pas. Ça, c'est nous qui voulons toujours un plan. Hein ? Mais bon, alors ça, évidemment, c'est un peu théologique, ça montre un peu les grands thèmes, c'est joli, mais en même temps, ça ne joue pas tout à fait, je crois. Une autre possibilité qu'on pourrait faire, c'est d'imaginer une structuration selon les déplacements du patriarche. Donc là, évidemment, il y a un certain nombre de déplacements. Donc on pourra dire qu'il y a une première partie qui va de Ur-Kasdim à Hébron avec quelques détours. Donc Abraham, ou disons la famille d'Abraham, part de Ur-Kasdim. Elle arrive à Haran, où Abraham va descendre. Donc en Canaan, en passant par Sichem, par le Negev, pour aller, nous l'avons vu, en Égypte, et au moment où il revient en Égypte, il va s'installer où ? Il va s'installer donc à Hébron, où il se trouve aussi lorsque, au chapitre 18, Dieu ou les trois personnages lui apparaissent. Donc on aura une première partie, donc voilà, comme ça, qui fait le tour de Ur-Kasdim à Hébron. Ensuite, on aura une deuxième partie qui ira plutôt de Guéra à Beersheba, où là, Abraham va un peu sillonner dans le Negev, c'est-à-dire c'est à partir du chapitre 20, Abraham va séjourner justement, donc avant il était à Hébron, maintenant il va séjourner chez le roi Abimelech à Guéra, et de là, ensuite, il va descendre à Beersheba, où en fait il va rester un moment pour ensuite, dans la dernière partie, lorsque... Voilà, ah oui, j'ai encore oublié ça, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, c'est lorsqu'il est à Beersheba qu'il reçoit cet ordre d'aller sacrifier son fils dans le pays de Moria. Seulement, on ne sait pas très bien où c'est le pays de Moria, est-ce que c'est seulement un jeu, nous allons le voir, ou est-ce que l'auteur déjà, comme le fait après l'auteur du livre des Chroniques, est-ce qu'il pense déjà à Jérusalem ? Question intéressante, difficile à savoir. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que vous avez deux, alors si on prend cette allusion-là, vous avez deux allusions à Jérusalem dans l'histoire d'Abraham. Vous savez que dans tout le Pentateuch, dans toute la Torah, le mot Jérusalem n'apparaît jamais. Prenez vos concordances, vous ne trouvez jamais Jérusalem dans le Pentateuch. Évidemment, ça a des raisons. Par contre, vous trouvez des allusions en 14, où Abraham donne la dîme, donc l'impôt ecclésiastique au roi prêtre de Shalem, et en Genèse 22 éventuellement, où Abraham fait le seul sacrifice de toute son histoire. Peut-être c'est lié à Jérusalem, les deux. Parce que quand il est ailleurs, il construit des autels, mais si vous lisez les textes attentivement, alors on peut dire, oui, pourquoi on construit des autels ? C'est pour sacrifier. Peut-être, mais on ne le dit jamais. On dit qu'il construit un autel et il invoque le nom de Yahvé. Mais il n'y a pas de sacrifice. Comme si on voulait déjà un peu s'ilianer, ce qui devient une idée après importante pour le judaïsme, que le seul lieu du sacrifice, c'est à Jérusalem. Mais on ne doit pas prononcer le nom. On verra ça plus tard. Et puis, à la fin, il se retrouve de nouveau à Hébron, où il va en effet acheter le tombeau pour sa femme et pour lui, où il se trouve encore aujourd'hui le tombeau d'Abraham. Les moyens d'accès ne sont pas faciles actuellement. Et le tombeau actuel, évidemment, date d'une époque bien plus tardive que ce que suppose le récit. Voilà, ça c'est une autre manière, mais évidemment, là aussi, on doit exclure certains chapitres où ils entrent moins bien. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres où on ne sait pas très bien où le patriarche se trouve. Où est-ce qu'il se trouve en Genèse 15 lorsqu'il reçoit la première alliance ? On ne sait pas très bien. Mais il y a quand même, je dirais, un certain intérêt pour des localités, notamment dans le Negev. Et il est très probable, on y reviendra, que c'est à Hébron, qu'on a en effet collecté, mis par écrit les traditions sur Abraham. Donc là, il y a quand même une certaine continuité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au tombeau des patriarches. Bien, maintenant, quels sont les genres littéraires que vous avez dans l'histoire d'Abraham ? Alors, on peut dire que c'est une histoire, donc il y a évidemment surtout des récits. Alors, dans l'exégèse allemande, on parle souvent des légendes, les Legende. Certains spécialistes disent que ce n'est pas exactement le même mot en français. Je ne sais pas, donc on propose saga. Mais en fait, l'idée, c'est justement de dire que ce sont des histoires justement, qui mettent en place des personnages qui ont une fonction identitaire ou de fondation dont l'historicité n'est pas garantie. Je reviendrai sur ce problème dans un petit moment. Et vous avez donc deux types, il y en a d'autres, mais il y a surtout deux types de récits. Vous avez des récits ethnologiques. Alors, des récits ethnologiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des récits qui expliquent la relation, les rapports entre différents groupes ou peuples, comme par exemple entre Abraham et Ismaël, ça veut dire évidemment aussi entre Israël et les tribus qu'on peut appeler proto-arabes, faute d'un meilleur terme, ou aussi Abraham et Lot, c'est-à-dire Juda et Israël d'un côté, et Moab et Ammon, les voisins immédiats, comme après vous avez la même chose avec Ésaü, Édom, etc. Et vous avez un deuxième type de récit, c'est des récits étiologiques. Qu'est-ce que c'est des récits étiologiques qui expliquent l'origine d'une coutume ou d'un nom? Par exemple, il y a un puits qu'on appelle l'Achairoi. On va expliquer pourquoi elle s'appelle l'Achairoi. On va expliquer pourquoi Beersheba s'appelle Beersheba. Après, chez Jacob, on va expliquer pourquoi Bethel s'appelle Bethel. Évidemment, c'est souvent des étymologies populaires, mais qui, justement, sont mis en rapport avec les patriarches qui apparaissent souvent comme les fondateurs de ces noms ou de ces coutumes. Bien sûr, vous avez autre chose aussi qu'on lit moins souvent, mais qui sont également importants. Vous avez des listes, des listes, donc des généalogies. Ça, c'est très important pour tous les livres de la Genèse, qui va faire la grande différence aussi entre la Genèse et les livres suivants. Si vous lisez la Torah, vous allez voir que tout le livre de la Genèse est structuré par une alternance entre récits et généalogies. Alors, on saute vite les généalogies, parce qu'on trouve ces noms, ce n'est pas très, très intéressant, mais souvent, ils sont quand même intéressants. Mais quand vous passez à l'Exode, il n'y a plus de généalogie. Très peu, il y a encore une de Moïse. Mais après, Moïse, justement, les fils de Moïse, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent, il part un peu par ailleurs, donc il n'y a plus de généalogie. C'est quelque chose de spécifique du livre de la Genèse. Et puis, vous avez également aussi des itinéraires. Abraham, au début, qui parcourt justement Canaan du nord jusqu'au sud, un itinéraire qui reprend celui de Jacob à l'envers. On y reviendra également. Et bien sûr, vous avez aussi un certain nombre de discours divins, ou des dialogues, le plus connu étant certainement la négociation entre Abraham et Yahvé par rapport au sort de Sodome. C'est à moitié du chapitre où il n'y a pas de narration, où est-ce que tu vas tuer le juste avec le méchant, combien de justes faut-il dans la ville, etc. Grand dialogue théologique. Voilà, alors je passe au thème du cycle d'Abraham, nous l'avons déjà vu, ce qui est un peu le mortier de l'histoire d'Abraham, ce sont les promesses. Première précision, le terme de promesse est un terme un peu anachronique, parce que vous n'avez pas de mot en hébreu biblique qui veut dire promesse. C'est seulement les paroles de Yahvé. Donc c'est les Devarim ou Vayomer, donc Amma y avait dit. Puis on a pris l'habitude de dire ce sont des promesses, d'une certaine manière. C'est des promesses, mais en même temps, il faut un peu faire attention quand on utilise le terme. Alors, il y a des annonces, on pourrait dire aussi, les annonces que Abraham aura un fils. Hein, si vous connaissez un peu l'histoire des patriarches, vous savez qu'il y a un certain nombre de promesses qui reviennent constamment. Par contre, celle d'un fils est quelque chose qui est un peu spécifique pour Abraham. Et nous avons vu que c'est autour quand même de cette promesse qu'on peut organiser un certain fil narratif, qui a une certaine suite. Après, vous avez une promesse également de descendance, mais ce qu'on peut appeler une promesse ou une annonce de multiplication, c'est-à-dire d'une immense descendance, pas liée à un fils précis, mais au fait que le patriarche, mais pas seulement le patriarche, deviendra en effet un grand peuple, un grand groupe. Cette promesse n'est pas limitée justement à Abraham, elle est également appliquée à la descendance de Hagar, donc aussi à Ismaël. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera spécifique à la ligne Abraham-Isaac-Jacob, elle s'applique tout autant à Ismaël. Et finalement, une promesse de bénédiction. De nouveau, il faut voir si c'est vraiment promesse, parce qu'évidemment, dans dans la conception antique, au moment où vous bénissez quelqu'un, ce n'est pas dans le futur, c'est quelque chose qui a lieu au moment même, c'est performatif, au moment où c'est prononcé. Ceci dit, vous avez quand même cette idée que des nations aussi vont se bénir au nom d'Abraham, donc Abraham lui-même deviendra une bénédiction, et c'est des promesses qui souvent sont liées justement à la question aussi de la multiplication. Et finalement, la promesse du pays. Hein, la promesse du pays, de nouveau, il faut se poser la question intéressante, on va y revenir, si l'annonce du pays est seulement quelque chose qui s'appliquera aux descendants des descendants des descendants d'Abraham, ou si le don du pays devient effectif au moment où Yahvé le dit à Abraham. Parce qu'il y a certains textes où c'est « je le donne à toi et à ta descendance », enfin c'est seulement « à ta descendance », comment lire ces promesses-là, hein? Évidemment, si on prend le Pentateuque, je reviens tout de suite, dans l'ensemble, l'impression, c'est quelque chose qui n'est jamais accompli. Parce que vous savez, Moïse, à la fin, meurt sans pouvoir entrer dans le pays. Si vous prenez que l'histoire d'Abraham, on peut se poser la question, il est dans le pays, il ne se porte pas si mal, et puis est-ce qu'il faut autre chose? Donc ça, nous allons voir, ça c'est un peu une ambiguïté, contrairement à l'histoire du fils qui est vraiment liée à l'histoire d'Abraham, de manière tout à fait précise, la question de la promesse, elle a deux volets, c'est-à-dire un volet lié à Genèse 11 à 25, et puis une fonction qui dépasse de loin l'histoire d'Abraham, qui structure en fait tout le Pentateuque. Et ça, c'est très intéressant parce que dans les cinq livres du Pentateuque, vous avez un rappel des promesses faites aux patriarches, en règle générale, justement, liées au pays. Donc, tout à la fin de la Genèse, Joseph annonce la sortie, disons, le retour plutôt, la sortie d'Égypte et le retour dans le pays que Yahvé a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Vous trouvez deux fois dans l'Exode un moment central, à savoir l'histoire du veau d'or, où justement les relations entre Yahvé et Israël sont compliquées, le rappel de cette promesse. Vous trouvez ensuite dans le Lévitique, à la fin, l'alliance. Donc là, c'est le seul cas où il n'y a pas tout à fait promesse, mais c'est l'alliance qui, quand même, se substitue d'une certaine manière à cette promesse. Et finalement, dans le livre des Nombres encore, et dans le livre du Deutéronome. C'est-à-dire les cinq livres, ça c'est aussi une question, on ne va pas pouvoir la traiter dans le détail dans ce cours-là, mais j'aimerais bien une fois la reprendre, la composition du Pentateuque. Donc vous voyez que l'unité des différents thèmes livres est soulignée par l'idée de ces promesses, qui sont un peu comme un refrain, un leitmotiv qui accompagne les différentes traditions. Dans les textes très tardifs, dans les textes moins tardifs, on trouve toujours ces promesses. On peut même dire que presque l'ensemble du Pentateuque est encadré par ce thème-là. Parce que vous avez, tout à la fin, je vous le disais déjà, au moment où Moïse va mourir, il va le pays, et Dieu lui dit, c'est le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac, à Jacob, en leur disant, c'est à ta descendance que je le donne. Alors si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a un petit problème de grammaire. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, on dit promis à Abraham, Isaac et à Jacob, mais on dit c'est à ta descendance, donc ça s'adresse à un singulier. Et pourquoi? Parce que c'est une citation, en fait, de la première promesse du pays à Abraham en Genèse 12. Donc, le texte de Deutéronome 34 reprend la première promesse, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Donc là, l'ensemble de la Torah va, en effet, trouver sa cohérence par ce thème du pays qui, justement, n'est pas accompli à l'intérieur de la Torah, mais il faut attendre le livre de Josué. Passons à un autre thème, très important également, qui va jouer un rôle important aussi pour comprendre un peu l'intelligence de l'histoire d'Abraham, c'est le rapport avec les autres. Je vous disais déjà tout à l'heure, en parlant des genres littéraires, que vous avez des récits ethnologiques, donc on va définir le rapport avec les autres. Et là, on constate quelque chose d'assez intéressant. Si vous prenez un texte comme dans le livre de l'Exode, où le don du pays est lié à l'expulsion des habitants qui s'y trouvent, constatez là que vous avez l'idée un peu qu'il faut faire table rase du pays, n'est-ce pas ? Donc vous expulserez les habitants, vous ne faites aucune négociation avec eux, aucun contact. Donc là, il y a cette idée un peu d'une séparation stricte et que le pays, en fait, peut être habité par les descendants, pas de qui on ne sait pas trop, mais disons par Israël. Le pays peut être habité par Israël à condition qu'il se débarrasse des autres, au moins qu'il se sépare des autres. Ça, ce n'est pas du tout le cas pour l'histoire d'Abraham ou des patriarches de manière générale. Déjà, le grand exégète Wellhausen, en parlant d'Abraham, disait « Les héros, donc pensez aux patriarches, les héros de la légende israélite montrent peu de goût pour la guerre. » Lui trouve ça dommage, mais disons, ça, on n'a pas besoin de partager son avis. Donc, mais il voyait en fait une différence importante. C'est vrai que dans l'histoire d'Abraham, on a l'impression qu'il y a plutôt une idée de cohabitation avec les voisins. Ce n'est pas une confrontation. Je vous donne quelques exemples. On avait déjà dit les Moabites et les Ammonites. Dans Deutéronome 23, on dit justement qu'on ne pourra jamais les accueillir. On raconte qu'ils étaient des ennemis. Si vous lisez les livres des rois, il y a toujours guerre entre Moab et Israël. Dans l'histoire d'Abraham, Lot, qui est l'ancêtre de Moab et Ammon, et soit, là les traductions ne sont pas tout à fait claires, soit le neveu ou soit le frère d'Abraham. Donc il y a un lien de parenté. Même chose pour les Ismaélites ou les Madianites, qui souvent, dans des textes prophétiques, sont accablés de tous les maux, qui apparaissent souvent comme des méchants, les Madianites aussi, pensés à l'histoire des nombres. Ici, ils sont justement les descendants directs d'Abraham via Hagar, donc Ismaël, et sa troisième femme, Keturah, dont nous ne savons pas grand-chose, mais seulement qu'elle est l'ancêtre de toutes les tribus tout au long de la route de l'encens. Les Philistins, qui dans les livres des Samuel sont les ennemis par excellence d'Israël, le roi philistin, en fait, présente un pays d'accueil tout à fait agréable et possible. Les Cananéens, qui sont de manière générale pour parler du pays, on ne dit jamais qu'il faut les chasser dans l'histoire d'Abraham. Il faut s'arranger avec eux. Donc, vous pouvez aussi regarder les choses un peu autrement encore. Vous pouvez prendre une sorte de schéma généalogique. Je ne vais pas le commenter dans tout le détail, mais si vous regardez un peu ce schéma, vous voyez que si vous prenez l'histoire des patriarches, presque tout le monde est parent avec tout le monde. Les Édomites, les Moabites, les Ammonites, les Madianites, les Ismaélites, tous ceux qui cohabitent dans le Levant, ils font partie de la même famille. Alors évidemment, à l'intérieur de la famille, il y a des conflits de famille, ça c'est normal, mais en même temps, il y a quand même toujours cette idée qu'on a un ancêtre commun qui est Abraham, et donc on va avoir justement un rapport très différent par rapport aux autres que ce qu'on peut appeler la tradition. J'y reviendrai là-dessus, la tradition dite deutéronomiste, c'est-à-dire la tradition influencée par le livre du Deutéronome, qui prône plutôt l'idée d'une séparation, d'une exclusion, souvent aussi liée quand même à une certaine violence. Ici, les choses sont très différentes. Voilà, alors on reste un peu dans nos questions, un peu d'introduction, et je dois quand même poser cette question, même si personnellement elle ne me passionne pas beaucoup, mais elle passionne beaucoup les gens, la question de l'Abraham historique. Est-ce qu'Abraham a vécu? C'est un peu comme Moïse. Bon, vous allez voir, c'est peut-être un peu décevant, mais en même temps, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça aurait changé si Abraham a vécu ou pas vécu par rapport à la mise par écrit de son histoire, n'est-ce pas? Donc, nous devons en fait, toujours penser, en fait, c'est pas le Abraham historique qui est à l'origine de ces trois religions monothéistes, c'est les histoires qui ont été transmises sur cet Abraham. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas mélanger en fait les registres. Alors l'historien peut évidemment se poser la question, on va la poser, mais après il faut aussi, en historien, aussi dire que cette quête-là est autre chose que la compréhension de ce que devient la figure d'Abraham dans la construction de l'identité juive, chrétienne et musulmane. Alors, je vais être assez direct, donc je pense... On ne peut pas parler d'une époque patriarcale. Donc, si vous prenez pas face à certains livres, on va vous dire deuxième millénaire, 1900, ou ça dépend, jusqu'à 1600, 1500, 1400, époque des patriarches. Ça, à mon avis, c'est inadéquat, et on va le voir tout de suite pourquoi. D'abord, il y a une première observation qu'on peut faire, c'est que si vous lisez les histoires des patriarches, vous vous rendez compte que c'est très différent des livres des rois, on ne vous donne jamais des indications précises. Par exemple, si l'auteur de l'histoire d'Abraham chez le Pharaon aurait voulu faire œuvre d'historien, il nous aurait donné le nom du Pharaon. Mais c'est seulement Pharaon. Quand il est chez Abimélec, ben c'est un nom... qu'on ne trouve pas par ailleurs. Donc, est-ce que c'est un nom symbolique? Est-ce que c'est un nom réel? Il n'y a pas de volonté non plus de dater les choses. Et puis, évidemment, autre problème qu'on a souvent souligné, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est la question d'un certain nombre d'anachronismes, n'est-ce pas? Si on aurait mis par écrit au deuxième millénaire déjà... excusez-moi. Si on aurait déjà mis par écrit au deuxième millénaire les histoires d'Abraham... Il ne sera pas promené avec des chameaux, parce qu'on sait que les chameaux étaient domestiqués bien plus tard. Et puis, la ville d'où il vient ne serait pas appelée Ur-Kasdim, parce que c'est également un nom seulement du premier millénaire. De même que Haran, qui devient une ville importante seulement à l'époque néo-assyrienne. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on peut reprendre un peu les quatre arguments traditionnels qui sont donnés en faveur d'une époque patriarcale pour voir ce qu'ils valent. C'est d'abord l'idée que les promenades d'Abraham correspondent à une sorte de migration amorite. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, que les coutumes des patriarches auraient des parallèles étroits dans des documents du deuxième millénaire, que troisièmement, la religion des patriarches reflèterait un stade pré-yaviste, donc ancien, avant la vénération de Yahvé par Israël, et finalement, les noms même des patriarches, donc je vais me contenter d'Abraham, reflèteraient également le deuxième millénaire. Alors, je pense l'ensemble de ces arguments ne tient pas. Alors, premièrement, les migrations. Première chose qu'on va dire, mais ça, on peut dire ça, c'est circulaire. Moi, je le dis souvent, les textes bibliques qui font venir Abraham, ça, nous allons le voir sous peu, qui font venir Abraham de Ur-Kasdim en le faisant passer... donc par Haran jusqu'en Égypte, ça ce sont des textes probablement parmi les plus récents de l'histoire d'Abraham. Probablement, nous allons le voir, Abraham à l'origine était plutôt une figure autochtone. Maintenant, il y a un autre problème, c'est cette fameuse migration amorite qu'on trouve Ça, il faut aller suivre le cours de M. Durand, qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce que sont les Amorites. Mais ce qu'on peut dire, c'est en effet que les Amorites, les gens de l'Ouest, il y a plutôt un mouvement inverse, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent de l'Ouest et qui vont en Mésopotamie. Donc, ils font plutôt le chemin inverse, n'est-ce pas? Parce que Albright avait dit qu'Abraham serait typiquement un marchand amorite qui, en passant de Ur-Kasdim, alors que ce n'est même pas lui, de Ur-Kasdim à Haran jusqu'à dans le Negev, suivrait la route commerciale des Amorites. Alors, il ne fait aucun doute que le croissant fertile, c'est évidemment aussi une sorte de relation commerciale, mais elle n'est pas limitée au deuxième millénaire. Et comme je vous disais déjà, les Amorites ne sont pas seulement des nomades qui cherchent à se déplacer de la Mésopotamie vers la Syrie. Le contraire plutôt est vrai. Hein. Et puis on sait aussi que certains de ces Amorites, qui est un terme très général, donc selon Jean-Marie Durand, c'est un terme qui n'a pas de signification très précise, ça devient un terme très, très large pour parler des gens de l'Ouest. Quand les gens bibliques, quand les textes bibliques parlent des Amorites, on ne sait jamais trop exactement à qui ils pensent. D'ailleurs, comme les Babyloniens et les Assyriens après, qui vont reprendre en fait ce terme. Donc, on ne peut pas dire que les migrations d'Abraham correspondent à une sorte de migration amorite qui est parfois suggérée par quelques auteurs grecs, mais qui finalement ne se trouve pas vérifiable sur le plan historique. Alors il est clair que Ur-Kasdim et Haran sont en lien, mais quand est-ce qu'ils sont en lien? Très important, c'est plutôt à l'époque néo-babylonienne, où Nabonide veut faire de Haran et de Ur les centres de la vénération de son dieu favori, Sin. Et c'est probablement plutôt dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, on verra plus tard qu'un certain nombre des noms de la famille d'Abraham ont des liens avec ce culte lunaire. Mais bon, ça, c'est pour la suite. Donc, le premier argument ne marche pas très bien. Maintenant, les coutumes des patriarches. Alors là, on s'est beaucoup appuyé sur des archives trouvées à Nousi, donc une ville à l'est du Tigre, siège donc d'une population hourite, non sémite, dont on a trouvé des documents, mais écrits en acadien. Donc, les gens du Nousi font partie de ce royaume de Mitanni, et puis on a donc un certain nombre, en effet, des tablettes tout à fait intéressantes, mais difficile à interpréter parce que justement écrit par des gens qui ne savaient pas très bien l'acadien, donc on a pas fait aussi du mal à les interpréter, mais on avait pensé d'y trouver un certain nombre de parallèles avec ce qu'on trouve dans les récits des patriarches. Notamment, on trouvait cette idée que apparemment un homme peut marier sa sœur et continuer à l'appeler ma sœur. Et donc on dit voilà, ça c'est Abraham. Parce qu'Abraham, quand il va chez le pharaon, il dit « c'est ma sœur ». Donc, on trouvait voilà, un bon parallèle. Mais, première chose, c'est que lorsqu'Abraham présente Sarah comme sa sœur, c'est clairement un mensonge, parce qu'il dit à Sarah, n'est-ce pas, « dis que tu es ma sœur pour qu'on me laisse tranquille ». Donc, c'est à mon avis quand même un contexte très différent. Et même, je ne vais pas aller dans le détail, le document en question de Nousi n'est pas vraiment aussi clairement à interpréter de ce sens-là. Il s'agit probablement plutôt, d'après ce que j'ai lu récemment, du fait que un homme doit prendre en charge sa sœur lorsque le mari de celle-ci est décédé, ce qui évidemment est autre chose. Ceci dit, il y a un certain nombre de parallèles qu'on peut avoir avec les histoires patriarches. C'est vrai qu'une femme stérile peut se faire remplacer par sa servante, mais vous trouvez exactement la même chose et de manière encore plus proche, en effet, dans des contrats de l'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne. Donc, on ne peut pas dire que ça nous oblige à remonter au deuxième millénaire. Il y a aussi un problème de manière plus générale, c'est que pour me semble-t-il, le deuxième premier millénaire, vous avez un certain nombre d'éléments qu'on peut plutôt expliquer avec une idée un peu de moyenne durée, c'est-à-dire les choses ne bougent pas très très vite, n'est-ce pas? Le fait qu'on a, par exemple, à Ougarit, un certain nombre de titres pour Baal qu'on va retrouver pour Yahvé, ça ne veut pas dire que l'auteur biblique a copié les textes d'Ougarit. C'est simplement qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont véhiculées, qui sont là, et qui ne demandent pas toujours une dépendance précise. Brièvement encore, avant de terminer, les deux autres éléments. Donc, c'était l'histoire que les patriarches auraient une religiosité différente de la religiosité yahviste, parce qu'on peut en effet constater que dans l'histoire des patriarches, on trouve souvent le nom de El, souvent, assez souvent. El Roi, par exemple, ou El, le Dieu d'Israël. Et on trouve également l'expression le Dieu du Père. Lorsque Yahvé se présente à Jacob en Genèse 28, il va dire « Je suis le Dieu de ton Père ». À partir de cela, on a déduit que l'expression « Dieu du Père » serait le reflet d'un culte d'ancêtres très ancien qu'on aura ensuite, donc ça aurait été un peu le Dieu ancestral, l'ancêtre divinisé de chaque clan, qu'on aurait ensuite identifié à El pour ensuite reprendre seulement, ou disons pour mettre ensuite là-dessus encore la religion yahviste. Ça, de nouveau, pour faire vite, ça ne va pas, parce que Dieu du Père, c'est une expression qui peut en effet être mise en relation avec un culte ancêtre, ça c'est possible, mais on le trouve dans les inscriptions nabatéennes notamment, 4e, 3e siècle avant notre ère, très proche des lieux où on a pu écrire l'histoire d'Abraham. Pourquoi aller jusqu'au 2e millénaire? D'ailleurs, on voit aussi qu'ils ont une fonction littéraire, ces expressions, parce que pour Isaac, on va toujours parler du Dieu d'Abraham. Pour Jacob, on va parler du Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc, ça, c'est aussi une manière de souligner le lien généalogique entre les trois qui n'est pas premier. Et finalement, la mention du nom El, c'est en effet quelque chose de particulier, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui nous permet d'emblée à dater ce texte au deuxième millénaire, parce que vous trouvez de ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, la deuxième partie du livre Ésaïe, très souvent aussi cette reprise, c'est moi Yahvé qui suis El. Donc une volonté d'identifier Yahvé au Dieu chef du panthéon cananéen. Donc il n'y a pas non plus besoin d'aller au deuxième millénaire. Et finalement, dernier argument, je vais le commencer, mais je pense qu'il faut que je respecte l'heure, c'est la question du nom. Il y a la question du nom, je reprendrai cela la semaine prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est que le nom d'Avram, c'est un nom très courant. Le nom d'Avram, c'est un nom très courant. Alors on a dit, on le trouve au deuxième millénaire, juste, mais on le trouve également au premier millénaire. Donc de nouveau, ça ne vous permet aucune datation. Simplement, c'est un nom très courant, avec la racine Rum, Resh, Vav, Mem, qui se traduit par « le père est élevé ». Le père pouvant être soit l'ancêtre divinisé ou une divinité avec laquelle on a une relation proche. Par contre, l'étymologie d'Abraham, « Abraham » avec un « he » est plus difficile. Alors, bon, on va faire comme dans les séries télévisées, on commence et puis après on s'arrête au milieu et on continuera la semaine prochaine. Donc, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que certains pensent, Liverani notamment, qu'on pourra faire un lien entre Abraham et une stèle égyptienne trouvée à Beth-Shean, où on trouve justement une tribu qui s'appelle, alors il faut que je retourne, qui s'appelle Resh et Mem, ou Resh Vav et Mem. On a pensé qu'Abraham pouvait être le père Avu Rachum, donc le père des clans de Rachum, d'autant plus que ces Rachum sont en guerre avec les Apirous. Alors ça, du coup, ça devient excitant. Mais on va s'arrêter là, et puis on verra ce qui en est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vais continuer encore l'introduction, aussi par rapport à la manière dont on peut imaginer la mise par écrit de ces textes. Et ensuite, nous allons regarder les textes plus en détail. Donc je vous donnerai la semaine prochaine une liste des textes dans l'ordre que j'imagine les traiter. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous trouvez toutes les informations aussi sur le site et vous pouvez les utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.